Salut, c'est Mike L'Écuyer pour l'émission Blues Covers. While we're doing that blues thing, we're going to play this old Bobby Bland song for you. Actually, it's a T-Bone Walker song. Stormy Monday par les Allman Brothers. Ce disque s'appelle Live at the Fillmore East 1971. En mars, lors de deux soirées et nuits entières mémorables, ce double album 33 tours vinyle a été enregistré, donc au Fillmore. Et six mois après, malheureusement, un roadie, Duane Allman le guitariste et Berry le bassiste vont se tuer l'un après l'autre. Revenons au disque, c'est un des albums live les plus connus, les plus cotés dans le domaine du blues et du rock. C'est Greg Allman au chant et au clavier, et puis aux guitares, c'était Duane Allman et Dickie Betts. Ce Blues Covers deuxième partie continue donc avec l'exploration de ces versions par des groupes français. On arrive en 2006 avec Shake Your Hips, également une des révélations du tremplin Blues sur scène. Extrait de leur premier album paru en 2006, Caroline Smile, voici Shake Your Hips, Stormy Monday. Thank you. death sent it back to me. Yes, sent it back to me. Préciser que Shake Your Hips est un groupe qui n'existe plus, mais ils étaient de la région parisienne. Voici maintenant Nico Bacton qui, en 2006 aussi, propose sa version de Stormy Monday sur son premier album aussi, qui s'appelle toujours Backdoor Blues. Lui, il nous vient de Belgique, mais il s'est installé dans le midi de la France. Nico Bacton and Wizards of Blues. Monday. Every Tuesday's just as bad. I said it goes down me Monday. Every Tuesday's just as bad. Wednesday's full of sorrow. Even Thursday's also sad. Here on Friday. And on Saturday I go out to play. And on Saturday I go out and I play. On Sunday I go to church. Lord, I kneel down and I pray. Lenny Lafargue, qui pourtant est un des pionniers du blues en français, se risque à interpréter un album entier en anglais. C'est en fait un hommage aux classiques du blues, aux artistes qu'il aime certainement, puisque ça s'appelle Blues Hymns, les hymnes du blues, où il reprend des Memphis Slim, des T-Bone Walker, des Elmore James, des Howlin' Wolf, etc., etc. Et donc, sa version de Stormy Monday, il est en trio, hein, c'est le groupe resserré, on va droit au but, Lenny Lafargue, en 2014. Bye bye, et à la prochaine. They call it Stormy Monday, but Tuesday is just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday is just as bad. This was and Ferdy's also said. Yes, the eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Friday and Saturday I go out to play. Sunday I go to church, then I kneel down and pray. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.